Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 41. Que les îles se taisent devant moi, et que les nations prennent une nouvelle force, qu'elles s'approchent, et alors qu'elles parlent, et entrons ensemble en jugement. Qui a suscité de l'Orient le juste? Qui l'a appelé pour qu'il le suivît? Il mettra en sa présence des nations, et lui asservira des rois. Il les livrera comme de la poussière à son glaive, et comme une paille emportée par le vent à son arc. En les poursuivant, il passera en paix, et la trace de ses pieds ne paraîtra pas. Qui a opéré et fait ces choses, appelant les générations dès le commencement? Je suis le Seigneur, c'est moi qui suis le premier et le dernier. Les îles ont vu et elles ont craint. Les extrémités de la terre ont été dans la stupeur. Elles se sont rapprochées et sont arrivées. Chacun portera secours à son voisin et dira à son frère « Prends courage !» L'ouvrier en airain, frappant du marteau, a encouragé celui qui dans le même temps battait sur l'enclume, disant « C'est bon pour la soudure !» Et il l'a assuré avec des clous, afin qu'il ne fût pas ébranlé. Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, dans lequel je t'ai retiré des extrémités de la terre et de ces pays lointains. Je t'ai appelé, et je t'ai dit, « Mon serviteur, c'est toi. Je t'ai choisi, et je ne t'ai pas rejeté. Ne crains pas, parce que voici que je suis avec toi. Ne te détourne pas, parce que moi je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié, je t'ai secouru, et la droite de mon juste t'a soutenu. Voici qu'ils seront confondus et qu'ils rougiront, tous ceux qui combattent contre toi. Ils seront comme s'ils n'étaient pas, et ils périront les hommes qui te contredisent. Tu les chercheras et tu ne les trouveras pas, ces hommes qui t'étaient rebelles. Ils seront comme s'ils n'étaient pas, et ils seront comme consumés les hommes qui faisaient la guerre contre toi. Parce que c'est moi le Seigneur ton Dieu qui te prend par la main et qui te dit « Ne crains pas ». C'est moi qui suis ton aide. Ne crains pas, vermisseau de Jacob, ni vous, mort d'Israël. C'est moi qui suis venu à ton aide, dit le Seigneur, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. C'est moi qui t'ai posé comme un chariot neuf qui foule le blé, qui a des dents pointues. Tu fouleras les montagnes et tu les briseras, et les collines, tu les rendras comme la poussière. Tu les vanneras et un vent les emportera et un tourbillon les dissipera. Et tu exulteras dans le Seigneur, dans le Saint d'Israël, tu te réjouiras. Les indigents et les pauvres cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue s'est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je découvrirai des fleuves dans des collines en pente, et au milieu des champs, des fontaines. Je changerai en un désert des étangs pleins d'eau, et une terre sans chemin en décourant d'eau. Je poserai dans la solitude le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je poserai dans le désert le sapin, l'orme et le buis ensemble, afin que les hommes voient, qu'ils sachent, qu'ils réfléchissent, et qu'ils comprennent tous ensemble que la main du Seigneur a fait cela et que le Saint d'Israël l'a créé. Plaidez sans délai votre cause, dit le Seigneur. Apportez vos preuves, si par hasard vous en avez quelqu'une, dit le roi de Jacob. Qu'il s'approche et qu'il nous annonce toutes les choses qui doivent arriver. Annoncez celles qui furent les premières, et nous y appliquerons notre cœur, et nous saurons leur fin. Et indiquez-nous celles qui doivent arriver. Annoncez-nous les choses qui doivent arriver dans l'avenir, et nous saurons que vous êtes Dieu. Faites aussi du bien ou du mal, si vous le pouvez. Et nous parlerons et nous verrons ensemble. Voilà que vous, vous sortez de rien, et votre œuvre de ce qui n'est pas. C'est l'abomination qui vous a choisi. Je l'ai suscité de l'Aquilon, et il viendra du Levant. Il invoquera mon nom, et il traitera les magistrats comme de la boue, et il les foulera comme le potier foule sous ses pieds l'argile. Qui a annoncé ces choses dès le commencement? Afin que nous les sachions, et dès le principe, afin que nous disions, vous êtes justes. Il n'y a personne qui annonce et qui prédit, ni personne qui entend vos paroles. Le premier, il dira à Sion, Vois, ils sont ici. Et à Jérusalem, je donnerai un évangéliste. Et j'ai vu, et il n'y avait pas même parmi eux quelqu'un qui formât un dessein, et qui, interrogé, répondit un mot. Voici que tous sont injustes, et leurs ouvrages vains. Du vent et du vide sont leurs simulacres. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.